Thank you. Thank you. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Comment ça va Pascal? Je suis perdu. Je suis un peu paumé dans la chanson.